Liberté, liberté, sainte déesse d'un peuple éclairé, règne aujourd'hui dans celle et ton sainte, par toi ce temple est épuré, par toi ce temple est épuré. Liberté, devant toi, la raison chasse l'imposture, l'erreur s'enfuit, le fanatisme est abattu. Notre évangile est la nature et notre culte est la vertu. Et notre culte est la vertu. Et notre culte est la vertu. Ton temple horrible, je l'ai du timbre, sous gras que si pu fleurir. Un peuple indigne de l'être libre, sans l'évangile et vie. Sans l'évangile les vies périr. Liberté, tu n'étais que la bénie dans le de Rome, mais ton triomphe est plus assuré parmi nous. Ce n'est point le vœu de la seule homme, c'est le vœu, le besoin de tous. C'est le vœu, le besoin de tous. C'est le vœu, le besoin de tous. Longtemps nos cris d'une heureuse ancêtre laissèrent tu usurper leur droit. Priez de l'étonneur des prêtres, courez sous le sceptre des rois, courez sous le sceptre des rois. Aux accents de ta voix tombent les sceptres et les mitres, du genre humain que les droits partout soient gravés. Le monde avait perdu ses titres, la France les a retrouvés. La France les a retrouvés, la France les a retrouvés.